Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, deuxième partie, sixième chapitre, premier paragraphe. Marie nous ordonne de fuir le péché et les occasions du péché. Le Saint Roi David, se tenant assis à l'entrée de son camp, répétait d'une voix attendrissante à tous les soldats qui passaient pour aller combattre les rebelles. « Mes soldats, mes serviteurs, je vous le recommande, si vous m'aimez, si vous désirez me prouver votre fidélité, conservez la vie à mon malheureux fils Absalom. » Il me semble voir en cela un certain emblème de Marie. Dans la voix de David, je crois entendre aussi celle de cette bonne mère, qui répète à chacun de ses serviteurs ses tendres et affectueuses paroles, « Mes enfants, si vous êtes vraiment telle, si vous voulez vous montrer digne de ce titre, épargnez la vie de mon bien-aimé fils Jésus. Qu'est-ce qui enlève la vie à Jésus? Le péché seulement. Celui qui commet un péché mortel est cause, autant qu'il est en son pouvoir, que Jésus est de nouveau crucifié, dit saint Thomas, en sorte que les pécheurs vérifient ce que disait l'apôtre, il crucifie de nouveau le Fils de Dieu, et le livre à l'ignominie, Hébreux 6, 6. Et quel sera le véritable serviteur de Marie qui refusera d'écouter un ordre aussi raisonnable? Si jamais il s'en trouvait un, aurait-il droit de conserver un si beau titre? Pourrait-il continuer à appeler Marie du doux nom de mère? Aurait-il le front de lui dire à elle-même qu'il l'aime, qu'il désire lui plaire? Je laisse à d'autres le soin de le juger. Le sens intime de chacun a déjà prononcé sa sentence de condamnation. Celui-là ne peut en aucune manière s'appeler serviteur de Marie. Quelque protestation qu'il fasse, quelque pratique qu'il exerce en son honneur. Parce que la première chose qu'il avait à pratiquer devait être de s'abstenir de donner par son péché la mort à Jésus, le Fils unique et véritable, le Fils bien-aimé et très aimant de Marie. Celui-là doit à juste titre être appelé, non pas dévot, mais ennemi, ennemi cruel de Marie, en proportion qu'il se constitue l'ennemi de son divin fils Jésus. Mais, dira quelqu'un, parler de la sorte et jeter les pauvres pécheurs dans le désespoir, c'est la même chose, ils savent qu'ils ont Dieu pour ennemi, et vous dites qu'ils sont aussi les ennemis de Marie, vous leur enlevez donc l'unique espérance, le seul refuge qui leur reste après le péché. Contrairement à ce qu'enseigne l'Église, en proclamant Marie le refuge des pécheurs. Cette objection pourrait être faite par celui qui n'aurait pas compris ce que je veux dire. Je ne dis pas que le péché commis est incompatible avec la dévotion envers Marie, loin de là. J'ai prouvé plus haut que même un pécheur peut être serviteur de Marie, quoique serviteur imparfait. Mais je dis que le péché qu'on a l'intention de commettre ne peut s'accorder avec cette qualité. Ce n'est pas proprement le péché, mais la volonté de pécher de nouveau qui prive l'homme de tout droit à la protection de Marie. Entendons-nous bien que celui-là se confie en Marie qui reconnaît avoir péché, mais qu'il tremble celui qui conserve l'affection au péché mortel. Que celui qui a péché pleure la faute qu'il a commise, qu'il se réfugie auprès de Marie, et il trouvera en elle la plus tendre des mères, mais que celui qui veut pécher n'espère aucunement en Marie, tant qu'il ne renoncera pas à sa volonté perverse. Pour nous tous qui désirons être de véritables et dévoués serviteurs de Marie, déplorons nos fautes passées, de manière à ne les plus commettre à l'avenir, et Marie sera notre avocate, notre mère. Quand les tentations, le démon, le monde, nos passions cherchent à nous entraîner au péché, non, disons-leur, Non, je ne consentirai point à ce péché, je ne veux point déplaire à mon Dieu, ni à Marie, ma tendre mère. Agissons de la sorte non seulement pour éviter les fautes graves, mais même celles que nous appelons légères, nous ne devons pas regarder comme léger ce qui peut causer du déplaisir à notre Dieu et par suite à sa très sainte mère. Profitons de l'avertissement qu'elle donna un jour, comme on le rapporte, à une sainte âme, « Gardez-vous, lui dit-elle, de regarder aucun péché comme un mal léger, car ce que les hommes appellent léger, est en soi un mal très grand, et qui surpasse tout autre mal possible et imaginable, excepté le péché mortel seulement. » Oh, quelle belle manière d'honorer Marie que de nous abstenir par amour pour elle des plus petites fautes, oh comme nous gagnerions sa tendresse en nous comportant ainsi, comme nous ravirions son cœur. Voilà donc le premier hommage que nous devons à Marie, voilà le premier acte d'obéissance que nous avons à lui rendre, fuir le péché, éviter de donner la mort à son divin Jésus, éviter même de causer à Jésus le moindre déplaisir. Toutefois, il faut savoir que nous ne parviendrons jamais à fuir le péché, tant que nous ne serons pas attentifs à en fuir aussi les occasions, pour autant qu'il nous est permis de le faire. En vain présumerions-nous de nos forces, tant que nous nous exposons témérairement au danger de tomber. Celui qui aime le péril y périra, c'est une vérité de foi. Ecclésiastique 3, 27. Au contraire, celui qui évite les pièges sera en sûreté. Proverbe 11, 15. Si donc nous voulons nous montrer obéissants envers Marie, en fuyant le péché, nous devons pour la même fin lui obéir aussi en fuyant les occasions dangereuses. Mais quelles sont les occasions que nous devons fuir? Écoutons la sagesse, dont l'Église place si souvent les paroles dans la bouche de Marie, en lui appliquant ce qui est dit de la sagesse sacrée. Figurons-nous entendre Marie elle-même s'adresser à nous. Les occasions de péché sont nombreuses, mais nous les ramènerons à trois chefs, distribuant ce paragraphe en autant de sections. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.